suite, tout d'abord les Nantais de 20 Second Falling Man, ce projet qu'on vous présente depuis quelques semaines, hein. On est sur du post-metal, post-hardcore. Ils viennent de sortir leur second effort studio. On retrouve tous les gimmicks propres au style post-hardcore, metal. Les morceaux vont de 5 à 7 minutes, c'est assez lourd, et dans les lignes vocales, on a une grosse alternance à la fois extrême et plutôt, alors pas forcément claire, mais un peu plus lumineuse dans son approche. Voilà, qualitatif ce nouvel effort studio de 20 Second Falling Man. Exocrine ensuite, un groupe français qui nous vient de région bordelaise, qui taille sacrément son chemin depuis une dizaine d'années, hyper prolifique, hein, sixième effort studio. Mais malheureusement, ça fait partie de ces groupes que j'ai bien personnellement complètement passé à la trappe. Faute de temps, peut-être d'intérêt, parce que bon, le tech death qu'il pratique, c'est pas forcément ma paroisse. Au passage, donc le groupe a sorti ses trois précédents albums chez Unique Leader, le monstre américain, pour rejoindre le label français Season of Mist. Forcément, un petit pont peut se faire avec les Bordelais de Gorod dans leur approche tech death. Même si là, il y a une dimension un peu plus épique et cinématique qui est donnée à l'effort pour Exocrine. Au niveau de ce qu'on va s'écouter tout de suite, 20 Second Falling Man, Shadow of the Past, extrait de l'album Resilience, Exocrine, Dust in the Note, extrait de l'album sobrement intitulé Legend. C'est parti. Yeah. suivante nous fait sortir de l'aspect hexagonal, donc deux toutes dernières formations françaises, Ratten et Quilin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces formations qu'on vous a diffusées depuis la semaine dernière ou depuis un peu plus longtemps d'ailleurs. Ratten tout d'abord, ça nous vient du sud-est de la France, on est sur un power trio crusty black metal, actif depuis seulement 2019. C'est le second album studio qui vient de sortir, 7 titres chantés en français, donc voilà, crusty black dans l'approche, avec des séquences un peu plus doomy sludge. Voilà, c'est bien crassouilleux ce que nous propose Ratten. Quilin ensuite, on est dans cette ambiance un peu pesante, mais on est sur quelque chose de bien différent, beaucoup plus planant et fuzzy. C'est une formation 100% instrumentale qui nous vient de Paris. Voilà, c'est riche, ça permet en plus d'aérer la programmation de l'émission de ce soir. On en diffuse assez peu souvent des groupes comme ça, donc voilà, on aime bien mettre l'accent dessus. Et le Quilin, pour chercher un peu l'origine de ce nom un peu énigmatique, tout simplement aller regarder du côté de la mythologie chinoise, voilà, qui représente un symbole d'harmonie et de sérénité, un peu à l'image de leur musique. Au niveau de la diff, on va s'écouter Ratten, le morceau Entre deux fosses, pas Entre deux fesses, comme j'ai cru le dire tout d'abord, La Longue Marche, c'est le nom de leur album, Quilin, Teir Alfinik, extrait de l'album Parasomnia, c'est parti. Ah! Aller-retour à la bagarre internationale, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On réattaque la diff internationale avec tout d'abord nos voisins belges de Stab qui sortent un album dignement fait pour se taper sur la gueule. C'était beau ça, j'espère que vous avez bien suivi. Formé en 2006, bientôt 20 ans de carrière pour le groupe de core belge. Cinquième effort studio, une disco qui commence à être bien solide. 12 titres avec un morceau qui date des premières heures du groupe, qui a été réenregistré pour l'occasion. C'est pas finaux, hein, ultra solide, avec attitude. Bon, à noter un morceau un peu à la sauce Nasty, Gull Trip, etc., où il y a du chant clair. Faites-vous plaisir, messieurs, j'ai envie de vous dire, même si, bon, personnellement, j'adhère zéro à cette petite tentative. En doublette avec Stab, Unos Predition, Kulten, c'est du death metal, ça vient du Chili, c'est actif depuis plus de 20 ans, 1999 pour être plus exact. C'est le sixième album studio qui vient de sortir, 7 titres pour une grosse quarantaine de minutes d'un death occulte lovecraftien, bien évidemment. Bien primitif et caverneux dans le style. Il y a même une grosse ambiance très très atmosphérique, atmosphérico-lovecraftienne, voilà, pour finir d'asseoir cette noirceur dans la musique du Unos Predition, Kulten. Pour la diff, qu'est-ce qu'on va s'écouter comme morceau choisi ? Stab, Street Justice, extrait de l'album du même nom. Unos Predition, Kulten ensuite, Quattro Velas de Xebo Infantil, extrait de l'album Axan Stabaos. C'est parti. Thank you. doublette de nouveautés dans cette approche de fin d'émission. Chapel of Disease et Hulder. Chapel of Disease, le groupe qui vient de sortir son nouvel effort studio, fait déjà couler beaucoup d'encre. Là, d'ailleurs, je les annonçais comme étant américains. Pas du tout, ça c'est The Obsessed. Ce sont des Allemands. Chapel of Disease, formé en 2008. Ils viennent de sortir leur quatrième effort studio. Comment dire, lors de l'enregistrement de cet album, c'était le line-up d'origine qui était présent. Le ménage a été fait, il reste plus que la tête pensante du groupe, le chanteur-guitariste. Et voilà, autour de lui, ce ne sont que des sessions. C'est donc l'occasion de clôturer un chapitre dans l'histoire musicale de Chapel of Disease et d'en ouvrir un nouveau au vu de l'évolution musicale. J'ai pris une claque monstrueuse en l'écoutant cet album. J'avais déjà vu beaucoup de notes, de réflexions autour de cet album. C'est plus du tout cette espèce de heavy death atmo qui pouvait nous servir avant avec le déjà bien culte Song of the God. On est vraiment sur du metal rock atmosphérique, planant, ultra shoegaze, psyché même. C'est comme si Alceste n'avait pas croisé le black metal, mais le death metal. Et je l'ai vraiment abordé de cette manière-là, non pas comme un nouvel album de Chapel of Disease, mais comme un crossover entre du death et du shoegaze, mais fait par Chapel of Disease. C'est ultra réussi. Ça fait pour l'instant partie de mes grosses surprises et de mes énormes coups de cœur de ce début d'année 2024. En doublette avec Chapel of Disease, Hulder, un one-man band black metal qui nous vient des US, actif depuis 2018. C'est une femme qui tient le projet depuis ses débuts. C'est le deuxième effort studio qui sort au passage chez Twenty Buckspin et autour d'elle, du coup, des sessions présentes dans Funebra Rome. Et le cogneur de Funebra Rome n'est autre que l'actuelle session live chez Morbid Angel. 40 minutes d'un black plutôt tradi, de forte inspiration scandinave. C'est brut, c'est mélancolique et juste ce qu'il faut de ritualiste. Pour les choix de morceaux, Chapel of Disease, Selenophile, extrait d'album Echoes of Light, une sortie Van Records. Hulder ensuite, Verses in Oath, extrait de l'album du même nom, une sortie Twenty Buckspin donc. Take you to this other side, where thoughts are divine, but words. c'est le storm below. Vous guérissez le soleil, my story of light. Blinding light that leads, but it never leads to sea. And as you scratch the sky, you're swallowed by night. You're swallowed by night. No more echoes of light. Dernière véritable doublette dans la div de ce soir avec Nemesis et Klisma. Comment on va vous présenter ces petits groupes, bon, sachant qu'on a déjà parlé dans les semaines passées. Nemesis, tout d'abord, une formation 100% féminine de Melodes, qui nous vient en plus de Serbie. On aligne vraiment les originalités avec cette formation. Le groupe est actif depuis une dizaine d'années. Et c'est le deuxième Effort Studio qui vient de sortir, 8 morceaux pour une grosse trentaine de minutes d'un Melodes très suédois. Même si ça reste assez identifié par ce qu'elles veulent dans leur approche, et puis c'est globalement frontal, hein, et très généreusement inspiré par la période Arch Enemy, Angela Gossow, mais la période des premiers albums avec Angela Gossow, vraiment la période la plus rugueuse, et c'est extrêmement bien fait ce que nous propose la formation serbe Nemesis. Klisma en doublette, là on est sur du Brutal Slam Death qui nous vient de Belgique, c'est le troisième Effort Studio qui voit le jour chez Amputated Vein Records. Gros concept autour de cet album, puisque un titre, un guest, voilà, des membres de Analepsy, Cranium, Gotrectomy, Begin for Incest et autres. Et pour le line-up de base, c'est Jason Lambert, tête pensante de Human Barbecue, qui est revenu au micro. Et le nouveau cogneur, c'est Royan Feyen. Tiens, quelle grosse surprise. Eh ben, c'est l'acolyte de Jason Lambert dans Human Barbecue. Donc voilà, Klisma, Human Klisma. Même combat au niveau des morceaux choisis. Nemesis avec le titre Circle of Death, extrait d'album Embrace Reality. Klisma, Suffering Souls avec le grognard de Begging for Incest en guest. laquelle est peut-être Cali, l'aspect français de ce soir, elle était un peu courte. Du coup, on se réécoute une doublette de morceaux choisis avec un titre de Necrowetch et de Exocrine. Necrowetch, donc le groupe de Putrid Death, le morceau Di Maui, extra album Swords of Dajjal. Exocrine, le groupe de Tech Death bordelais, le titre The Oath, extra de l'album Legend. C'est une double sortie, Season of Mist au passage. Sur ce, l'émission se clôture. Excellente fin d'écoute à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ave, ichiro,